Elle arriva chez le chef de bataillon nouvellement élu, dans cet état d'irritation mentale qui fait commettre les meurtres, et trouva le père Crevel attendant ses enfants, monsieur et madame Hulot jeune, dans son salon. Mais Célestin Crevel est le représentant si naïf et si vrai du parvenu parisien qu'il est difficile d'entrer sans cérémonie chez cet heureux successeur de César Birotteau. Célestin Crevel est à lui seul tout un monde. Aussi mérite-t-il, plus que Rivet, les honneurs de la palette, à cause de son importance dans ce drame domestique. Avez-vous remarqué comme dans l'enfance ou dans les commencements de la vie sociale, nous nous créons de nos propres mains un modèle à notre insu souvent? Ainsi, le commis d'une maison de banque rêve, en entrant dans le salon de son patron, de posséder un salon pareil. S'il fait fortune, ce ne sera pas 20 ans plus tard le luxe alors à la mode qui l'intronisera chez lui, mais le luxe arriéré qui le fascinait jadis. On ne sait pas toutes les sottises qui sont dues à cette jalousie rétrospective, de même qu'on ignore toutes les folies dues à ces rivalités secrètes qui poussent les hommes à imiter le type qu'ils se sont donné, à consumer leur force pour être un clair de lune. Crevel fut adjoint parce que son patron avait été adjoint. Il était chef de bataillon parce qu'il avait eu envie des épaulettes de César Birotteau.